C'est encore là que se jouent et que se nouent les enjeux principaux, il me semble. Olivier Dabben, un tout dernier mot à Aix-en-Provence. Oui, bah écoutez, s'agissant de parler d'avenir, je crois que l'année 2006 sera une année extrêmement importante, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'élections dans la région, tout particulièrement au Brésil et au Mexique. Le Mexique reste un pays important, hein, on n'en a pas parlé, mais ça reste un pays extrêmement important et de l'élection mexicaine dépend beaucoup de choses. S'il y a des forces politiques, je dirais, convergentes à la, au Mexique et au Brésil, l'Amérique latine peut aller très loin encore dans son, dans l'affirmation de son identité. Merci infiniment à tous les deux. Donc Jérôme Sgarr, dont on pourra retrouver les travaux nombreux au CPI, on a mis ça sur notre site franceculture.com. Le tout dernier titre de Olivier Dabben, à vrai dire, c'est une réédition, mais il y en a eu au moins 3 ou 4, mais celle-ci est très récente, 2005, ça vient de ressortir. Donc l'Amérique latine à l'époque contemporaine, c'est paru chez Armand Collin. Merci à toute notre équipe, à Marianne Chasseur qui a préparé notre émission, à Claire Pouli, à côté de moi. Les Archivina ont été choisis, trouvés par Martine Auger. C'est Gérald Vaneuve et Philippe Rouy qui ont réalisé notre émission. Et merci à vous, Dominique Rosset. Ainsi se terminent les nuits de France Culture. Très bonne journée à tous. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans le cours que l'assyriologue Jean-Marie Durand a consacré cette année au Rabbi Roux, ces exilés partis de chez eux pour des raisons politiques dans le Proche-Orient du début et du milieu du deuxième millénaire, nous avons rencontré, pour exemple, quelques figures de héros qui, après bien des péripéties, ont fondé des dynasties. Ainsi, David, fondateur de la maison qui porte son nom dans la Bible, ou encore Idrimi, qui fonde le royaume d'Alalar, sont bien des Rabbi Roux. Jean-Marie Durand avait raconté comment la statue d'Idrimi avait été retrouvée au cours de fouilles menées par des archéologues anglais, et nous avait lu une partie du texte de 104 lignes lié à la statue, texte qui raconte l'histoire de ce Rabbi Roux devenu roi. Ce matin, Jean-Marie Durand traduit pour nous la fin de l'histoire d'Idrimi, racontée par ce texte, puis dévoile une énigme étymologique. Si le terme de Rabbi Roux signifie en quelque sorte « exilé politique » et n'a donc aucune autre connotation, le mot « rabatoum » et l'écoute nous livre à nous autres qui ne parlons pas le babylonien la proximité lexicale des mots, ce mot donc « rabatoum », pourquoi a-t-il, lui, une signification très négative liée à la terreur et au désastre ? Alors je me trouvais pareil à eux, leurs murailles datant des pères qui, des ancêtres, se trouvaient déversées sur le sol, eh bien moi je les fis se lever du sol, alors je leur fis lever le combat, je pris de la troupe et au pays de Rati, je montai. Effectivement, c'est dans les montagnes. Alors, de cette ville, je m'emparais, la ville de Pachari, la ville de Damarutla, la ville de Hularan, la ville de Zila, la ville de Ya, la ville de Uluzila et la ville de Zaruna, de ces villes-là, je m'emparais et d'autres, je détruisis. Le pays de Rati ne se mobilisa pas et contre moi ne vint pas. Alors, on peut toujours rêver qu'ils ont été effrayés, hein, mais ce n'est pas le cas. Je fis ce que je voulus. Du butin sur eux, je pillai. C'est-à-dire qu'il a dû prendre une vingtaine de moutons, un bœuf, deux ou trois couteaux émoussés, hein, et leur trésor, leur bien, leur provision, je pris, je partageai aux troupes de mon alliance, à mes contributeurs et amis. Leurs armes, je pris pour moi. Et voilà le passage qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il rentre au pays de Moukish, c'est-à-dire à Alalar, et il va refonder un royaume. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement conquérir un royaume, il va refonder une famille royale. Il va se présenter en réinitiateur de légitimité, tournant la page d'Alep et abandonnant définitivement la grande tradition royale du Yamrad. Alors au pays de Moukish, je revins. Alors j'entrai dans la ville d'Alalar, ma vie. Avec le butin et les possessions, trésors, biens et provisions que j'avais descendu, que j'avais descendu du pays de Rati, je fis faire une demeure. Mon trône, je l'égalais au trône des rois, mes frères aux frères des rois, mes fils à leurs fils, et mes compagnons à leurs compagnons, je fis semblable. Leurs habitations, leur en fis habiter de meilleures, ceux qui n'en avaient pas, moi, je les fis habiter. La distinction entre ceux qui étaient restés sur place et dont on améliore le sort, et puis les errants, les rabatoum qui l'accompagnent et qui les réinstallent d'une façon chic. Alors j'affermis mon pays et je rendis mes villes semblables à celles de nos anciens. Donc, il apporte la prospérité, mais il va refonder le culte dynastique. Selon ce que nos pères avaient établi comme rituel des dieux de la ville d'Alalar, les sacrifices pour nos ancêtres qu'ils avaient fait faire, moi-même j'ai fait faire intégralement. Cela, je l'ai fait complètement et les ai commis aux soins d'Adoun Irari, mon fils. Il prend un de ses fils dont il fait le pontife, le grand prêtre, comme on appellerait de nos jours. Hein? Quiconque arrachera cette statue de moi, et bien que le Dieu ciel le maudisse, que la terre infernale accueille sa descendance, etc. Et puis, il y a ensuite le fait divers. Cela faisait 30 ans que j'étais roi. J'ai mis par écrit sur ma tablette mes travaux pour qu'on puisse les contempler et qu'à mon égard, on se répand en bénédiction. Voilà, donc la fin du texte. Alors, le point le plus important, c'est que s'il décide de faire les cultes des ancêtres, désormais à Alalar, c'est que Alalar va être sa maison. Et on oublie la vieille tradition du Yamrad. Alors, vous voyez l'intérêt dans le parallélisme pour David. David est de même le point de référence de la royauté. Alors, le texte lui-même vous raconte en abondance qu'avant lui, il y a eu un oint du Seigneur. Il y a eu quelqu'un qui était non pas simplement qui exerçait le pouvoir, mais qui avait été choisi par Dieu et consacré par Samuel. Mais cette royauté disparaît, est complètement nettoyée, la famille de Samuel est complètement anéantie. Et désormais, loin du Seigneur qui va faire souche, ce sera David et sa succession. Il partage d'autre part, c'est notre parallèle, David partage d'autre part avec Idrimi, eh bien, le fait que la gloire et les réalisations sont réellement venues après lui. Idrimi clôt Alalar 5, et après Idrimi, ça sera Alalar 4, et il y a désormais un nouveau Floruit. Et c'est le moment où Alalar devient réellement très importante et au point de vue archives, on le voit tout à fait, ça devient un royaume beaucoup plus prospère, beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus de villes que Alalar 7, qui est la ville un petit peu postérieure à Marie. Et de même pour David, le palais royal, le temple, tout ça seront l'œuvre de Salomon. C'est quelque chose qui arrive après lui. Alors quand les gens vous disent archéologiquement, il n'y a pas de trace de David. La chose la plus importante n'est pas ça. C'est pas que le temple n'ait pas été fait par David, le palais n'ait pas été fait par David. C'est que c'est lui qui est le fondateur, c'est lui qui est le point de référence, c'est à lui que l'on se réfère, et quelle que soit la gloire et la majesté de Salomon et de ceux qui viennent après, c'est lui le père fondateur, et cela donne la clé de l'importance de la statue d'Idrimi maintenant. Chaque fois, on revient. On va pas d'un à l'autre. Vous vous souvenez, quand on avait vu les données archéologiques d'Idrimi, on avait vu que le temple avait été refait deux fois et peut-être même trois fois, mais que la statue était restée et avait été le point essentiel du temple. Bon. Lorsque le temple a été détruit, c'est la statue sur laquelle on s'est acharné, que non seulement on l'a renversée, mais on l'a martelée, on l'a détruite. Quand la ville a été abandonnée, des gens sont revenus, ont pris la statue et l'ont enfouie pour la réserver. Donc ça veut bien dire que la statue d'Idrimi était quelque chose d'extraordinairement important. Alors les gens qui vous disent est-ce que c'est Idrimi qui a réellement fait la statue, est-ce que c'est un faux, etc. Tout prouve que Idrimi, en tout cas, était la référence royale de d'Alalar. Et ça, ça fait un point parallèle entre Idrimi et David, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux générateurs de royauté et référence de royauté. Alors, voilà pour terminer l'histoire d'Idrimi, et on va maintenant passer à tout à fait autre chose. Ce qu'on a vu là, c'est le type même du récit sur le Rabiron. C'est-à-dire ce héros qui part de chez lui, qui connaît des aventures, qui éventuellement y revient. Bon, s'il meurt en route, il meurt en route. Mais s'il y revient, il y fait souche et sa postérité est pleine de gloire. Bon, il est évident qu'Idrimi, lorsque la ville a été détruite, bon, a basculé. Et que ce n'a pas été le cas de David, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Entre Alalar et Jérusalem, les enjeux ne sont vraiment pas les mêmes. Alors, maintenant que, après cette longue enquête, je pense vous avoir débarrassé le terme de Rabirou de toutes ces scories elamarniennes, de tout ce que, depuis Elamarna, on lui avait ajouté, eh bien, je vous propose de regarder maintenant, dans la documentation propre à Marie, ce qu'il en est du terme de Rabatoum, auquel Rabirou a été assimilé, surtout dans la mesure où l'on pense que Sagaz, qui est l'équivalence idéogrammatique de Rabatoum, est considérée comme une façon de lire Rabirou. Le point essentiel qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'à l'époque de Marie, les exemples les plus nets de Rabatou sont juste postérieurs à Marie, c'est-à-dire qu'ils sont dans une documentation qui est un petit peu postérieure à Marie. Alors, comment est-ce que cela se fait? Eh bien, ça se fait par une chose extrêmement simple, c'est que nous avons maintenant, à l'heure actuelle, à notre disposition, des textes de la Haute Djésirée qui sont d'un petit peu après Marie. Il faut revenir un petit peu sur le drame Mariotte. Ce qui théoriquement devrait être la fin, vous savez, c'est l'épopée des troupes babyloniennes qui sont allées en plusieurs étapes dans le nord, du côté des Calatoum, qui sont allées occuper Kourda, qui sont allées occuper Andarig. À l'heure actuelle, nous avons toutes les raisons de penser que ce sont ces troupes-là qui sont venus faire un raid sur Marie. Alors, nous avons fait désormais une croix sur Marie, si j'ose dire. Et ensuite, vous savez que les troupes ne sont pas arrêtées simplement à Marie, elles sont allées détruire tout Toul, elles sont même allées attaquer du côté du Zalmakoum. Tout cela, on le reconstitue. Non, nous n'avons aucune lettre de Marie qui nous en parle, pour une bonne raison. C'est que quand ils ont dû voir arriver les troupes de Marie, ils ont dû avoir autre chose à faire que s'écrire. Ils ont dû avoir des messages oraux. Et puis d'autre part, s'ils ont perdu, c'est qu'ils n'ont pas dû tenir. Donc ils ont dû commencer à s'égayer un petit peu dans la nature. Donc on imagine la famille royale repartant du côté de l'ouest, ou repartant du côté de Toutoul. Si les gens ont foncé vers Toutoul, c'est que manifestement les gens se sont repoussés par là-bas. Et c'est ça qui est tout à fait caractéristique. Chaque fois que l'on peut contrôler une chute de Marie, Marie a été prise par le Rabour. Alors vous me direz, pourquoi pas par l'Euphrate? Eh bien, parce que par l'Euphrate, c'est encaissé, c'est très facile à défendre. Et les gens qui remonteraient de Babylone jusqu'à Marie, plusieurs armées ont essayé de le faire, elles s'y sont épuisées, elles ont été arrêtées en route et on a beaucoup de récits qui nous montrent leur très lente progression et on n'a pas ça pour Babylone, alors qu'on sait qu'il y avait 15 000 hommes de troupes du côté du Sinjar. Et la première chute de Marie à l'époque de Yasmaradou s'est passée comme ça. Les troupes sont venues depuis le Sinjar jusqu'à Marie. Alors on pourrait se dire, la page est tournée, il n'y a plus de documentation. Eh bien si, il y en a encore une. Alors à l'état secondaire, on va laisser toujours Marie bloquée, on sait que la ville de Alep avait déjà pris des têtes de pont importantes sur la rive gauche de l'Euphrate. Et 10 ans après la chute de Marie, les archives réapparaissent en Haute-Jésirée, et on se rend compte que Babylone n'est plus présente, Babylone a évacué, alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais en revanche, le royaume d'Alep est omniprésent. Et manifestement, ils étaient déjà là sur la rive gauche, ils ont poussé leur avantage, et ils sont très présents jusqu'à Andarik et Razama, c'est-à-dire au sud du Sinjar et à l'est du Sinjar. Cela est absolument certain. En même temps, on se rend compte que deux royaumes importants résistent à Alep. C'est le royaume qui s'est reformé autour de Shubat Enlil, et d'autre part autour de Kourda. Kourda a toutes les raisons de s'opposer à Andarig. Elles sont voisines, c'est déjà une preuve, c'est déjà cette condition nécessaire et suffisante. Elles sont en plus, elles ne sont pas de la même tribu, Andarig et Ben Simalit et Kourda et Benjamin. Bon. Alors, comment connaissons-nous toute cette situation? Bien, c'est par des textes qui ont été trouvés justement à Shubat Enlil. Shubat Enlil, c'est extrêmement simple à savoir. C'est le site le plus important à l'environ de Tel Mohamed Diab, que j'ai l'honneur de vous présenter, et où nous avons passé 12 ans de notre vie. Voilà. C'est un site extrêmement agréable et sympathique. Vous voyez le village qui est juste au nord. Non, au nord. La Turquie se trouve ici, l'Irak se trouve tout à fait au fond. Et vous avez la route qui conduit en Irak. Vous avez 30 km pour aller en Turquie et 30 km pour aller du côté de l'Irak. Alors, si j'avais pris la photographie depuis le sud, vous n'auriez pas vu le village. Donc, faut bien vous le montrer. Alors, voici le tel. C'est un tel qui n'a eu qu'un seul défaut, c'est qu'il a donné 2,5 tablettes. Bon, on aurait pu espérer un peu plus, c'était comme ça. Donc, c'est venu, en complément des archives de Marie, nous raconter ce qui se passe après Marie. Seulement, le problème, c'est que ça se produit 10 ans après, et ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Et nous n'en voyons que le résultat, nous ne savons pas de façon précise ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ces tablettes que vous voyez réapparaître, ça se situe en 1987. Elles ne sont toujours pas publiées. Mais nous connaissons, nous avons déjà beaucoup d'indiscrétions dans des articles savants faits par nos collègues, et on est allé un petit peu à la pêche pour prendre des renseignements à droite et à gauche. Alors ces renseignements sont partiels, on ne peut pas avoir une vision complète des choses, surtout que on ne peut pas aller les revoir dans un musée pour voir si la lecture est bonne. Tant qu'un document n'est pas complètement publié, il est réservé et passe du côté des textes secrets. Donc vous pouvez avoir des idées, mais vous ne pouvez pas avoir la certitude de ce qu'on appelle l'autopsie de la tablette, c'est-à-dire le voir avec votre propre œil. L'essentiel, les deux points essentiels qui apparaissent, qui ont tout de suite été signalés par les chercheurs, c'est que c'est le Yamrad, c'est-à-dire le royaume d'Alep, qui est la puissance majeure à l'époque dans la région. Alors Marie a disparu, ça on le savait, mais que Babylone ait disparu, c'est vraiment la grande surprise. Et d'autre part, la plupart des lettres vous parlent des Rabatum. Et c'est là que nous rejoignons notre propos. Les tablettes nous donnent le nom de trois rois. Alors, ils portent pas de bons noms rois de l'époque de Marie. L'un s'appelle Moutilla, qui est plutôt un sobriquet qu'autre chose. Le deuxième s'appelle Til Abnou, c'est-à-dire celui qui vient du Tel aux Pierres, de la colline pierreuse. Et puis le troisième porte le nom poétique de Yakoun Achar, qui signifie la famille est stable. Et puis ce sera le dernier des rois, après ils disparaissent. Alors, la fourchette chronologique. Eh bien, Moutilla, il apparaît pour nous pour disparaître, parce que tous les textes sont quasiment de sa dernière année. Il apparaît vers 1750, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien comment relier ça à Babylone, mais c'est soit l'extrême fin du règne d'Amourabi ou le début du successeur d'Amourabi, Samsu-Iluna. Son successeur, c'est Til Abnou, qui règne très peu de temps, parce que il se fait trucider par son propre frère Yakoun Achar. Alors celui-là va régner jusqu'en 1728, et en 1728, il se passe le drame complet. Les armées de Babylone remontent dans le nord et détruisent définitivement Shubat-Enlil. Ça a été des actes qu'on ne comprend pas très bien encore de la part de la dynastie de Babylone. Ils ont détruit complètement Marie, complètement le sud sumérien en l'an 7 de Samsu-Iluna, et en l'an, dans les années 20-30 de Samsu-Iluna, ils sont allés détruire les grandes métropoles qui sont dans le nord de la Haute-Jésirée. Ils ont eu une folie dévastatrice que l'on ne comprend pas très bien. On la constate, c'est tout. Ce n'est pas dans les mœurs des Amorites, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et en 1728, on considère que la page dans le nord est définitivement tournée, et jusqu'à l'époque médio-assyrienne, il n'y aura plus de texte. Il faudra attendre que les Mitanniens descendent des montagnes, que les Assyriens leur viennent les attaquer, auquel cas, à ce moment-là, la vie repartira dans le nord. Ce sont le sud sumérien et la région de la Désirée disparaissent complètement de l'histoire à cause des destructions de Babylone. C'est-à-dire que quand on parle d'Amourabi et de sa dynastie comme des civilisateurs, ils se sont conduits comme de parfaits sauvages. Ils ont plutôt mis fin à l'histoire qu'ils l'ont aidé. Ce qui est important de savoir pour notre propos, c'est que les tablettes documentent surtout le début et la fin de la période. Le début de la période, c'est Moutilla, la dernière année de Moutilla, qui est une période de crise. La fin de la période, c'est la destruction de Shubat-Enlil par les Babyloniens, qui est aussi une période de crise. Alors, que les événements soient graves, c'est tout à fait normal. Il est très difficile de reconstruire toute la période à partir de deux moments de crise. Le grand roi se trouve à Shubat-Enlil, qui est une ville prestigieuse, et il y a deux jeunes princes qui sont l'un sur la frontière ouest, l'autre sur la frontière est. C'est tout à fait une situation obsidionnelle, n'est-ce pas? Ils se sentent menacés sur leur frontière. Et la guerre se fait avec la ville de Andarik, elle est là. Andarik se trouve là, et l'autre avec la ville de Razama. Andarik et Razama sont en guerre avec Shubat-Enlil. Cela est très important, parce que si le lien historique a été rompu avec Marie, eh bien, Shubat-Enlil a toujours été en rivalité avec Marie. Ça a toujours été le siège de gens qui n'acceptaient pas le pouvoir de Marie, et Andarig et Razama étaient deux pays qui, au contraire, étaient des gens qui étaient toujours dans l'alliance de Marie. Et quand vous voyez que le royaume de Marie a disparu, Alep qui est très allié avec Marie, qui a des liens extrêmement puissants avec Marie, est tout à fait présent dans la région et s'appuie sur les anciens alliés de Marie et est en guerre avec les anciens ennemis de Marie, on se demande dans quelle mesure le royaume d'Alep ne s'est pas jugé le successeur de Marie dans le nord. Reprenant les vieilles querelles dynastiques, les vieilles querelles partisanes, et il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé là, mais on peut deviner, on peut deviner. Et le fait que Babylone ait disparu est certainement a quelque chose à voir avec l'avancée d'Alep. Manifestement, il y a dû y avoir une guerre Alep-Babylone, dont les Babyloniens se sont bien gardés de nous parler. Et comme nous n'avons pas les archives d'Alep, nous ne pouvons pas savoir. Shubat-Enlil est une ville importante, et les armées de Shubat-Enlil remportent, semble-t-il, succès sur succès contre les royaumes du Sinjar, c'est-à-dire tout particulièrement Kourda. Et c'est dans ce contexte que brutalement apparaissent les Rabatoum. Les Rabatoum arrivent en deux vagues. Dans la première partie de la documentation, on vous dit qu'ils sont 6000. Dans la deuxième partie de la documentation, on vous dit qu'ils sont 10 000. Donc on a l'impression de forces qui arrivent et ensuite qui sont complétées par d'autres. Et dès que ces Rabatoum arrivent, c'est la panique complète dans le pays. La victoire change de camp. Et les billets désespérés arrivent à Shubat-Enlil. Les Rabatoum sont en train de manger le pays, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils font leur travail de soldats et ils gagnent les victoires. Et Moutilla est obligé de faire la paix. Et ayant perdu la guerre, ayant fait la paix, il meurt. Et il est remplacé par quelqu'un d'autre. Ça forme un enchaînement historique parfait. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Les textes qui ont été édités par Jasper Haïdem il y a longtemps sont susceptibles d'une autre interprétation. Voici une des lettres qu'a reçues Moutilla. Or moi, je suis ici à l'emplacement de Tadoum. De la sorte jusqu'au contrefort du Sinjar, et là jusqu'au pays de Yusan, je ne connais jamais le repos. Cette ville, c'est-à-dire ma ville, n'est-elle pas une ville à toi, une place frontière, le district qui est sur le front de votre pays, c'est moi qui le tiens. C'est une lettre, un petit billet désespéré, parce qu'il est attaqué par les Rabatoum. Il est attaqué par les Rabatoum, et ce qui donne la clé de la... Les Rabatoum viennent de franchir une rivière. Alors vous me direz que dans le pays, il n'y a pas beaucoup de rivières. Si, il y en a suffisamment pour que l'on hésite de savoir est-ce que c'est le Tigre ou est-ce que c'est le Djadjag. Le Tigre se trouve à l'est et le Djadjag se trouve à l'ouest. C'est aussi bête que ça, mais il faut choisir. Et Jasper a choisi le Tigre et c'est pas très malin parce que le Tigre, il porte un nom alors que le Djadjag, il est intermittent. Et il peut ne pas porter de nom. On peut l'appeler le Hirmash, comme chez les Arabes, c'est le nom qui existe déjà à l'époque. Ou bien on peut dire la rivière, ça suffit. Et ce qui est décisif, c'est qu'il n'a pas repéré qu'il y a la ville de Tadoum. C'est ça, il n'a pas lu ce passage-là. Et maintenant la lecture est sûre, et la ville de Tadoum, elle est extrêmement simple à fixer d'après les archives de Marie. Elle se trouve du côté du nord-ouest du Sinjar. Et quelqu'un qui est au nord-ouest du Sinjar, ça l'intéresse de dire que les Rabatoum ont franchi le Djadjag, pas de dire qu'ils ont franchi le Tigre, parce que s'ils ont franchi le Tigre, c'est 15 jours ou 20 jours avant. Donc c'est un vieil événement. Alors que le Djadjag, ils ont pu le franchir la veille ou l'avant-veille. Donc par la même occasion, c'est très important parce que Jasper Haïdem a cru dans son exposé que les Rabatoum venaient de l'Est, alors qu'en réalité, ils viennent de l'Ouest. Et c'est allié à une attaque venant donc d'Alep. Ça, c'est un point très important qui doit changer entièrement toute son argumentation. Le deuxième lot de textes, je vais vous en montrer un exemple. Le roi de Shouna écrit en disant « La rumeur publique dit » c'est-à-dire « La rumeur publique », c'est « J'entends dire autour de moi hein. ». La rumeur publique dit « Les Rabatoum sont revenus », c'est donc le deuxième lot. « Si ces gens sont revenus, il faut que 50 hommes tiennent la ville de Shouna. » Donc toutes les grandes villes sont menacées. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'en réalité, toutes les grandes villes de l'époque de Marie existent toujours. Seulement, on ne retrouve quasiment aucun roi de l'époque de Marie. Dans 10 ans, ils ont tous disparu et ils sont tous menacés par ces Rabatoum. Alors, voilà... Je ne vais pas multiplier les textes parce que vous voyez, c'est toujours des choses extrêmement partielles. Un exemple suffit, les Rabatoum viennent menacer, sont des gens de l'extérieur. La seule chose qui est importante de remarquer, c'est que ces gens viennent de l'Ouest. Et la conclusion de Jasper à Edem était, puisqu'ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ce sont des gens qui viennent et qui repartent et qui reviennent d'une façon cyclique. Et il a cru que les Rabatoum représentaient un phénomène de la sorte nomadique. Que c'était une population intermittente, à présence intermittente. En réalité, ce sont diverses vagues d'assauts militaires, et il ne faut plus les considérer en termes ethniques, mais en termes purement belliqueux. Ce sont des gens, c'est une armée qui attaque, et puis qui s'arrête et qui réattaque. La deuxième chose qui apparaît dans la documentation, c'est que ces Rabatoum présents en Haute-Gésirée, eh bien, comme très souvent dans l'Antiquité de l'époque, ce sont des paysans qui n'aiment pas trop faire la guerre. Et s'ils peuvent s'arrêter de faire la guerre à un moment donné, ils sont tout contents. Et voici une des lettres que l'on trouve. Quelqu'un écrit au roi Yakun Achar, qui a succédé à son frère Ashurbanipal, et qui va être le roi qui va durer pendant une vingtaine d'années, il faut que tu nous laisses repartir, ou bien que tu te mettes à notre tête, et que tu nous conduises où tu veux. Manifestement, ces Rabatoum, qui sont venus semer la désolation dans le pays, manquent de motivation suffisante pour continuer à faire la guerre, se tournent vers le roi du pays en lui disant: on est prêt à repartir d'où nous venons, c'est-à-dire ne nous harcèle pas, laisse-nous partir. Ou bien, prends notre direction et mène-nous faire la guerre où tu veux, ou éventuellement, donne-nous des terres où nous puissions nous installer. Et cela rentre dans des schémas historiques extrêmement bien connus, par exemple, parce que ce que nous avons eu en France à l'époque des grandes compagnies, où les gens étaient des mercenaires disponibles, prêt à se louer à ceux qui avaient l'argent simplement pour les payer. Et éventuellement une idée, c'est-à-dire les emmener casser quelques châteaux dans la châtellerie voisine. Bon, c'est des choses de ce genre. C'est à partir de ces offres et de ces textes que Jasper Haïdem en a déduit que ces nomades qui revenaient périodiquement dans la région étaient en réalité des mercenaires professionnels. Et il a dû avoir, sans le dire expressément dans son exposé historique, le schéma des grandes compagnies européennes. Je pense naturellement des compagnies dans le sens des compagnies de pillards, hein, bien sûr. Et il y a toute une série de textes qui nous montrent effectivement ces Rabatoum rentrer dans la société de l'époque et être embauchés par les gens. Alors, en voici un texte. Voici un texte. Alors, un des textes de Leilan qui a été publié par Claudine Vincent dans les Tel Leilan Tablets. Un manteau en tissu simple pour Soumouabi. C'est une livraison normale. Hein. Le Rabatoum. Et puis, il y a la phrase « Chat loup de cour 2 » qui Kalam ou Chadougou. Alors, il y a une partie en sumérien, une partie en acadien, et ça a été traduit « qui a privé l'ennemi d'un champ », ce qui n'est pas d'une clarté absolue. Hein? Bon. Jesper Haïdem a proposé une autre traduction « qui a barré le pays pour l'ennemi », donc on imagine une sorte de Duc Aiclun, ou plutôt du... c'est quoi, c'est Mucis Sévola, ton compatriote qui a barré un pont à Rome, non? C'est... Oui, voilà, Mucis Sévola qui barre un pont et qui empêche l'ennemi de rentrer dans la capitale. C'est aussi, c'est moins, c'est glorieux, mais c'est moins utile. Maintenant que le texte est publié, on peut enfin le voir. Et le texte est très simple. C'est un rabatum qui a abandonné le camp de l'ennemi, Nakra Mouchadou, Iti Matim, pour se ranger du côté du pays, c'est-à-dire de notre pays. Et c'est quelqu'un qui a laissé tomber la bande à laquelle il appartenait pour venir se faire embaucher dans l'armée régulière. Il a trahi les siens, mais pour la bonne cause, pour venir du côté des gens bien. Et alors, ça permet d'interpréter toute une série de textes dans lequel on voit des rabatoum qui sont comptabilisés avec d'autres travailleurs. Et ça, c'est très gênant, parce que les gens vous ont dit, ben, les rabatoum, c'est des travailleurs, ils sont comptés avec les autres travailleurs. Alors qu'en réalité, c'est simplement une origine. On peut voir notre texte. Voilà un autre. Alors, en voilà un autre. C'est une petite tablette qui a été trouvée sur le site de Kalat al-Adi. Au moment d'un survey, et qui est une tablette en déshérence. On l'a retrouvée, on l'a rapportée à Hasake, j'ai pu la voir. Elle dit 58 mines, un tiers d'argent, soit de conversion faite 3500 cycles. C'est ce qui a été mis sous scellé dans le coffre au sein de Evry et des Prud'hommes, les Rabatoum. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire de ce texte? Grand chose. Qui sait le lire, ça devient très intéressant. Vous voyez, on a retrouvé dans les textes de Shubat Enlil ce monsieur Evry. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une compagnie de rabatoum. Manifestement, il s'est fait acheter. Et il s'est fait acheter pour la somme relativement considérable de 58 mines. Un tiers d'argent. Et vous voyez ce qu'il éprouve de dire, le besoin de dire, soit conversion faite, 3500 cycles. C'est parce que, quand vous êtes dans la région de Marie, vous êtes dans une culture dans laquelle on compte les unités d'une façon telle que quand vous arrivez à une certaine quantité d'unités, vous passez une unité supérieure. Et si vous changez 58, vous précisez que 58 mines, un tiers, ça fait 3500 cycles, ça ne peut intéresser que des gens de l'Ouest, pas des locaux. Et c'est une pièce de plus que ces rabatoum viennent de l'Ouest. Et chaque fois que vous avez quelque chose qui est envoyé d'Alep à Marie, eh bien, on convertit les 15213 cycles en tant de mines, etc. Le texte est extrêmement important parce que vous voyez des rabatoum sur place. On est sûr que c'est des rabatoum puisque les archives de Leilan nous disent que Evry est un chef de rabatoum. Ils reçoivent cette somme. Ils la convertissent, c'est exactement comme si je vous dis 1500 euros et que vous me dites combien ça fait en francs. Hein? C'est-à-dire que vous avez besoin, pour réaliser, de passer dans le système auquel vous êtes accoutumé. Alors, le texte de Tel Rima qui doit venir maintenant vous montre, voilà ce qu'on a trouvé, c'était republié dans Ogarit Forschungen, c'est le sous-cylindre d'un certain homme qui s'appelle Monsieur Tahré Adou, homme de Chourounou, fils de Iliadou, qui est général des Rabatou. Donc, les Rabatou, en définitive, ce sont des gens qui forment des corps constitués. Si ce sont des nomades, on va pas appeler leur chef un général, on va lui donner un titre tribal. Hein, bon. Et il est serviteur en plus de Mouzoun Hadou. Et Dietrich et Loretz qui ont réédité cela dans le tome 1 de leur... Alors vous voyez, vous avez les deux orans, et puis l'écriture est en ordre archaïque, c'est-à-dire que pour la lire, il faut se mettre la tête sur le côté. Hein. Ce Mouzoun Hadou a été identifié dans les textes d'Al-Alar comme étant lui-même un Rabatou. Un Mouzoun Hadou, chef de Rabatou, dont vous trouvez un saucylindre avec quelqu'un qui se dit général des Rabatou, etc., retrouvé à Al-Alar, ça veut dire que l'autre référence des Rabatou que vous avez vous ramène encore du côté de l'Ouest. Alors, Tel Rima, c'est Qataran en Antiquité. C'est de la bière distribuée à un chef de section des Rabatoum. Donc, vous retrouvez la même hiérarchie militaire qu'avec les généraux. C'est un chef, il est plus petit, c'est un chef des Rabatoum. Et il est énuméré avec, au milieu de, d'une énumération qui est une rafle de personnes à qui on donne de la bière. Hein. Bon. Vous avez un Gouti qui vient du Zagros, un courrier qui vient on ne sait d'où, deux bourgeois qui n'ont pas droit à un siège. À la cour du roi de Marie, vous aviez des gens qui avaient le rang pour rester assis en face du roi. Vous avez un non-rang qui faisait que vous étiez debout. Et puis, le rang intermédiaire, eh bien, vous étiez accroupeton. C'est-à-dire, comme les Bédouins s'assoient encore à l'heure actuelle, vous étiez assis sur vos talons. Et c'est une hiérarchie sociale très importante, les assis, les accrouptons et les debout. Et ceux qui sont accroupetons, ce sont les Moupalsirou que vous avez là. Alors, les Doumoumèche 6-5, ce sont des bourgeois. Exactement, ce sont les fils de la prospérité. Les fils de la prospérité, ce sont des gens qui ont un rang social tout à fait chic, mais pas assez pour s'asseoir en face du roi. Et c'est très important parce que vous avez des gens hauts dans la hiérarchie, comme généraux ou gouverneurs, qui n'ont pas le droit de s'asseoir et qui sont accroupetons. Donc un texte de ce genre qui n'avait pas grand sens, maintenant on a, ces Rabatoum qui ont été, un chef de Rabatoum qui a été coopté, qui a offert ses services, qu'on a accueilli et à qui on donne de la bière, parce que le roi donne de la bière et à manger en fonction comme ça régulièrement à ses bons serviteurs. Alors vous voyez que les Rabatoum qui sont complètement inconnus en Haute-Jésirée à l'époque de Marie se caractérisent en fait au moment de l'intervention militaire d'Alep dans la région. Et toutes les références pointent du côté de l'Ouest. Et quand il y a un saucylindre qui apparaît, alors un saucylindre ça se trouve dans les commerces des Antiquités, vous ne pouvez pas savoir d'où il vient. La critique interne, Dieu merci, montre que ça vient d'Al-Alar, c'est-à-dire complètement du côté de l'Ouest. Et Al-Alar est sous contrôle d'Alep, donc nous ne sortons pas de la région. Et si nous regardons maintenant la documentation de l'époque de Marie, il n'y en a pas dans les textes qui proviennent de la Haute-Jésirée, mais la langue de Marie ignore-t-elle le Rabatoum ? Réponse, non. On trouve tout à Marie, y compris des Rabatoum. La question, c'est de savoir dans quel contexte trouve-t-on. Le premier, pour que les gens de Marie rencontrent des Rabatoum, il faut qu'ils aillent dans l'Ouest. Et à l'époque de Yasmaradou, ils ont envoyé un corps expéditionnaire très important qui est allé prêter main forte au royaume de Katna sur sa frontière sud. Et ils sont allés tout particulièrement défendre la région de Damas, ce qui nous permet de savoir comment Damas s'appelait à l'époque. C'était la région de Apoum, c'est une autre façon de le dire, c'est-à-dire déjà la façon dont Damas est appelé à l'époque d'Alamarna, c'est-à-dire que vous documentez plusieurs siècles avant la région et vous avez toujours cette même façon de parler. Et on est sûr que l'on est dans la région de Damas parce que il vous décrit des canaux particulièrement larges en eau, en disant on n'a jamais vu des canaux aussi larges, eh bien c'est naturellement, il est en train de décrire les chenaux du Barada et qui irriguent la région de Damas. C'est-à-dire que ce ne sont pas des canaux artificiels, mais des canaux naturels. Et de l'autre côté de Damas, il y a une ville d'où viennent les gens qui attaquent, et qui est la ville de Raritsoum. La ville de Raritsoum est elle aussi très bien connue à l'époque d'Alamarna, c'est la ville de Huritsi. Donc on retrouve déjà à l'époque amorite, en allant voir sur place ce qui se passe, les installations que vous avez à l'époque d'Alamarna. Et dans cette ville de Raritsoum, qui attaque Katna, une partie du royaume de Katna, et qui est donc télécommandé par Alep, c'est ça qu'il faut pour avoir la vision complète des choses, vous trouvez des Cananéens du pays du Kinarnou, donc la Bekaa qui de l'autre côté, ces gens sont à proximité, c'est tout à fait normal. Vous avez des gens du pays de Raritsoum, c'est tout à fait normal aussi, et vous avez des Rabatoum. Et vous avez 8000 hommes qui sont là, qui occupent Raritsoum en face de nous. Voilà. C'est ça que le général Mariotte écrit au roi de Mari. Et si on avait un doute, eh bien il y a une deuxième lettre dans laquelle on vous dit, c'est la même correspondance, des Rabatoum et des gens de Canaan sont en Raritsoum. C'est le même contexte et vous retrouvez encore ces soldats Rabatoum. C'est-à-dire que pour trouver des Rabatoum, en Haute-Jésirée, il faut qu'ils viennent du royaume d'Alep. Et quand vous allez défendre Katna à l'époque ancienne et à l'époque de Marie, les gens qui sont envoyés, télécommandés par Alep, ils vous envoient des Rabatoum. Vous commencez à vous dire, surtout qu'il y a un sous-cylindre avec des Rabatoum à Al-Alar qui est commandé par Alep, que ça doit avoir un groupe, ça doit avoir les Rabatoum doivent avoir un lien avec Alep. Ça commence à converger. Le terme babylonien qui sera employé après, c'est Kuradu, qui signifie le héros, c'est-à-dire c'est les troupes d'élite. Et à côté des troupes d'élite, qui forment la force principale des Rabéens, vous avez des Rabatoum, qui là encore viennent du Yamrad. Alors, il arrive rarement que les dossiers soient aussi complets. Tous les exemples de Rabatoum sont dans un contexte militaire et sont d'autre part dans un contexte alépin. Cela est très important parce que ça signifie que ça peut être un particularisme de la langue d'Alep. Et avant d'en faire l'étymologie, il faudra voir s'il n'y a pas une particularité dialectale derrière, parce que les autres langues ne l'emploient pas. Il faut absolument instruire une affaire d'un point de vue historique pour savoir de quoi on parle et de qui on parle. Et alors, on en arrive à cette espèce d'aporie absolument complète. Les Rabatoum, c'est un phénomène alépin. Pour l'instant, c'est un phénomène de l'armée d'Alep. Ils ont envoyé ça là-bas. Alors, si ce sont des gens qui sont des supplétifs, ou qui sont des auxiliaires, ou qui viennent au secours, qu'ils marchent, Rabatoum signifie marcher, qu'ils pillent au passage, Rabatoum signifie aussi piller. Je vous demanderai de méditer sur notre belle langue, sur le fait qu'à partir de courir, vous formez le substantif course, on gagne à la course, on est mauvais, on est bon, on est mauvais à la course. Si vous montez sur un bateau, faites une course, c'est un corsaire. Qu'est-ce qu'il fait le corsaire? Il fait de la course, il fait du commerce d'un certain côté, il fait aussi du pillage. Il faut qu'il soit rapide. S'il n'est pas rapide, il ne peut pas rattraper les autres. S'il rattrape les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les piller. Ça vous montre absolument, si vous voulez, l'impossibilité d'une approche pénéculinguiste. C'était C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut.